courir sur l'horizon infini de la plage, les pieds nus, caressant le sable doré. Brusquement, son pied se heurta contre un objet à demi enseveli dans le sable, une bouteille en verre à l'intérieur de laquelle se trouve une lettre jaunie. En sandales, allaitante, elle se rue dans le seul magasin d'antiquités de la ville portuaire, la bouteille à la main. Elle ouvre brusquement la vieille porte en bois qui affiche cependant fermée. Elle accourt en se faufilant dans les étroites galeries remplies d'objets centenaires et farfelus. L'antiquité qu'elle cherche avec tant d'enthousiasme n'est d'autre que le gérant de ce lieu. Entre deux respirations saccadées, elle s'écrie « Monsieur Pierre, où êtes-vous ?» N'ayant pas de réponse, elle se rend dans le grenier de ce taudis. Elle a failli se tordre la cheville à deux reprises. Une fois, en glissant sur une perruque datant de la Renaissance française. Une autre fois, sur la queue du chat paresseux qui semble ne pas remplir ses fonctions de gardien des lieux. Elle s'écrit de nouveau le nom du gérant. Cette fois-ci, une réponse se fait entendre en provenance du grenier, comme elle s'en était doutée. « Un peu moins de bruit, veux-tu ? » fit une voix étouffée, ensevelie sous un tas de tapis magnifiquement ornés en provenance du Maroc. Il semblerait que l'antiquaire se soit donné comme tâche de dépoussiérer son immense grenier, qui regorge de trésors, les plus impressionnants soient-ils. Seul Monsieur Pierre, le repropriétaire de ce lieu, connaît les moindres mythes, contes et légendes de ces trésors qui dorment profondément, oubliés de tous, dans son insalubre demeure. Vous allez être enchanté. Plutôt, en me promenant sur la rive de la mer, je me suis heurté à un trésor. Connaissant votre savoir sur des objets de valeur et de longue date, pourriez-vous m'éclaircir sur le mystère de cette bouteille ? Elle lui tend la bouteille en verre. Le vieil homme, après s'être dépoussiéré et débattu pour sortir de l'emprise des tapis, prend dans sa main la bouteille messagère et l'examine minutieusement, sous tous les angles. Puis, il se fraye un chemin entre les tas de merveilles obsolètes et atteint son bureau. Affalé sur celui-ci, il ouvre la bouteille avec une délicatesse exagérée, de peur qu'à la moindre brusquerie, elle ne se brise en mille morceaux. Il en débouche le papier jauni par l'oxydation et l'écoulement du temps. Il se chausse de ses lunettes aux lentilles bien acérées et fronce les sourcils. Un nom y est inscrit, Pierre. La jeune fille interrompt l'observation du sexagénaire. « Alors, monsieur, que contient la lettre ? » dit-elle d'une voix emplie de curiosité. « Un nom. Une odeur. » Il prend par l'extrémité de ses doigts le papier et le porte jusqu'à son museau, le reniflant de part et d'autre. Cette délicieuse odeur de jonquille. Son visage se durcit, son expression révèle une réflexion, à la recherche d'un souvenir perdu. Il se précipite dans un pâle calme vers l'une des étagères du grenier garni de poussière. Dans un brouhaha étouffé, il farfouille dans ses livres sacrés, puis s'exclame « Le voici !» Il retourne à son bureau, cette fois-ci en courant, ouvre le vieux carnet et le renifle. « Oui, c'est bien cette même odeur. » La gamine, non plus surprise d'être témointe encore une fois de ce trait de personnalité atypique de l'antiquaire, s'avance jusqu'à apercevoir ce fameux trésor parfumé à la jonquille. « Tiens, sens-le !» Il ordonna à la petite de goûter à son tour au parfum. Surprise ! Elle acquiesce en constatant que l'odeur est, en effet, bien identique. Il ouvre le carnet avec pudeur jusqu'à atteindre quelques pages dormant à la fin. Une page est arrachée. Cette feuille est le bout manquant de cette légende. J'en suis persuadé. Il tente de relier les deux bouts avec succès. Heureux que son jugement soit véridique, il exhibe sa découverte, ouvre le livre à sa première page qui révèle une signature d'une grande autrice, originaire de ce village. De quelle légende parlez-vous ? Enchérit la jeune fille. Le visage du vieil homme s'assombrit. Sa voix prend un ton grave, nuancé par un brin de nostalgie. Il se met à raconter la légende. Un jeune couple fraîchement marié dans les années 1850 vit le parfait amour, tel que décrit dans les romans. L'homme, âgé d'un quart de siècle, dont la profession médicale lui vaut prestige et éloge, est éperdument amoureux de sa femme. Celle-ci est également dotée d'un savoir intellectuel et d'un charme envoûtant. Elle est appréciée de tous ses convives grâce à son savoir académique et sa douceur pudique. Écrivaine, elle charme par ses lettres et sa poésie. Le plus sévèrement ensorcelé par son talent fut son mari, infecté par des sentiments dérisoires. La tranquillité du vieux village portuaire à la dérive entre deux villes animées fut perturbée par une dispute entre les deux amants. En colère et teigneuse, la femme vêtue d'une robe mi-longue, blanche, légèrement bouffante, décorée de jonquilles, remplit sa mallette de tous ses manuscrits et ouvrages et s'apprête à quitter les lieux, ainsi que son jeune mari. Apeuré, son mari lui fait obstacle. Il est impensable pour lui que son amour veuille s'échapper de lui, le laissant seul, chaviré dans son désarroi. Il l'attrape par l'épaule, afin de la raisonner avec de douces paroles saupoudrées d'une pointe d'agressivité. Il tente de la dissuader de rester à ses côtés, comme il s'était juré. Impassible face à ses paroles, elle s'en va, claquant la porte derrière elle. Le dernier portrait qu'il voit d'elle est une jonquille, fanant au loin. À l'horizon du quai, un phare est perceptible. Cependant, son accès est quasi impénétrable, entouré de rochers et de récifs tranchants. Chaque barque qui s'en est approchée a fini déchiquetée et en lambeaux. Leur carcasse y décore encore les flots. De temps en temps, en guise de rappel, un corps gonflé et bleuté dérive sur les flots. Cependant, une nuit de juin, le phare est atteignable. La marée basse y trace un chemin pendant une heure, non sans y laisser en sacrifice quelques gouttelettes de sang sur le sol rocailleux et tranchant. La dispute a éclaté lors de cette fameuse nuit. Le mari, connaissant cette légende, ne peut laisser s'échapper cette chance de reconquérir sa jonquille dont l'amour se fane. Le mélancolique amoureux attache à un poteau au port une corde sur laquelle il installe un système de poulies et accroche trois sacs remplis de nourriture, de produits d'hygiène et de premiers soins. Pour l'instant, l'autre bout de la corde n'est pas attaché, rien ne peut y être hissé. Le coucher de soleil orangé annonce la nuit tombante. L'eau de mer se retire goutte à goutte, laissant sa place au processus de la marée basse. En enfilant un manteau imperméable, se munissant d'un grand sac robuste, d'une corde ferme et de tissu épais, il partit à la chasse. Comme à son habitude, la fugitive revenait de ses cours de l'université, ses livres sous le bras. Elle s'attardait à rentrer dans la demeure de ses parents. Il semble que la querelle avec son mari ne l'ait pas tant affectée. Irritée de voir l'attitude nonchalante de sa femme, une colère impassible s'enflamme dans tout son corps. Il décide de la suivre. Au moment où elle se faufile dans une petite ruelle étroite, il l'attrape par l'arrière, lui bloque la respiration avec son mouchoir imbibé d'une essence somnolente et lui attache les mains et les chevilles avec sa corde. Il enfuit le corps immobile dans le sac robuste afin de transporter clandestinement sa compagne. Arrivé au port, il s'empare de la ficelle qu'il avait attachée plus tôt au poteau du quai. Il enfile les trois sacs vitaux sur le système de coulisses, tient dans sa main gauche cette corde, sur son épaule droite, sa convive, et en face de lui, la mer a disparu, laissant place à un chemin jusqu'au phare. Pour pallier aux douloureuses coupures que lui causent les rochers marins, il s'est équipé de deux paires de chaussettes et de bottes de randonneur. Même avec son attirail, des coupures se font et des gouttes de sang s'évadent. Après plus d'un quart d'heure de marche, il atteint le phare grâce à la sueur de son sang. Le sang perdu symbolise sa colère soulagée. Dorénavant, il ne ressent plus d'aigreur envers sa femme. Désormais, elle ne pourra plus tenter de s'enfuir, ni en capacité d'avorter le fruit de leur amour. Il enroule et attache autour d'un poteau la corde qui va charrier les trois sacs. Il s'introduit dans le vieux phare. Il tente d'activer l'interrupteur avec succès. Une lumière timide éclaire les hauts murs. Seulement trois portes comblent les lieux. Il ouvre celle de droite. Une chambre délabrée avec en son centre un lit sans drap, une table de chevet et une armoire bancale. Il dépose sa femme inconsciente sur le lit, puis se dirige vers la porte à gauche. Il y découvre une cuisine qui fait également office de salle à manger. Et la troisième porte, la salle de bain. Il ne prend pas plus le temps d'apprécier son nouveau chez-soi. Il sort du phare et hisse, un à un, les trois sacs, la marée basse se remplissant. Grâce à ses efforts, il put hisser les sacs rapidement, sans qu'aucun d'entre eux ne finisse au fond de l'océan. Il se met à dépoussiérer la chambre du phare, sortir un drap du sac des linges et fait rapidement le lit pour que sa femme puisse s'y assouper. Il nettoie le phare de fond en comble jusqu'au lever du soleil. Lorsqu'il eut fini sa tâche, seule sa femme somnole encore dans les bras de Morphée. Cela fait des mois qu'elle est en captivité. Son ventre s'est arrondi, signe de la fécondité et de la féminité. Désormais, emprisonnée dans ce phare, n'ayant qu'un seul échappatoire par année, elle se retrouve complètement à la merci de son amant ravisseur. Elle mène une vie enchaînée à cette maison cloîtrée, elle qui était si libre, ayant pour seule possibilité d'expatriation ses romans qui n'atteignent aucune âme, eux aussi piégés. La cause de la dispute, déclencheuse de tout leur malheur, est la découverte de la grossesse. Désirant la liberté, elle ne put accepter la perte de son précieux temps qui allait être volé par un petit être qu'elle aurait elle-même mis au monde. Elle a expliqué à son mari qu'elle n'était pas prête, qu'elle voulait certes un enfant, mais non dans sa vingtaine. Selon elle, les 20 ans sont faits pour être expérimentés, pour vagabonder et se disperser au gré du vent. Son mari comprit son point de vue et donna son accord pour arrêter la croissance de l'embryon. Ainsi, le jeune couple vagabondait dans les villages voisins afin de trouver un docteur pour procéder à un avortement. Quelques jours avant l'opération, le mari s'occupa des préparatifs administratifs pour l'intervention. En fouillant parmi les papiers de sa bien-aimée, il découvrit des lettres méticuleusement enroulées dans un foulard. Un mauvais pressentiment le transperça de part et d'autre. Les mains moites, il ouvrit une des lettres. Il en lut à peine les 2 premières strophes et comprit que ce poème était une déclaration d'amour. Il en lut 3, 4, puis des 10 autres. Son cœur battait de plus en plus fort. L'infidélité de sa femme le pervertit. Ce qui le toucha le plus ne fit pas la tromperie, mais le fait qu'il était décrit par les 2 malfrats dans leurs lettres épistolaires comme un perfide abruti dépourvu de toute lueur intellectuelle et montrant une sagacité illusoire. Maintenant, la femme à la robe de jonquille véhicule à travers ses ouvrages de nombreux appels à l'aide, en vain. Aucune de ses histoires ne peut s'échapper de ses murs clos. Elle tente à maintes reprises de s'évader, stoppée par les flots. Son ventre grossit de jour en jour, des nausées incessantes lui rappellent que l'être en elle grandit, que sa privation de liberté se rapproche. Au fur et à mesure que sa grossesse fleurissait, elle trouva un moyen de s'échapper de sa cage et de contacter l'extérieur. Un jour, enfermée dans sa chambre, pendant que son ravisseur s'adonnait à son activité quotidienne, la pêche, elle reçut la visite inattendue d'un goéland au plumage raffiné. Sur sa patte droite, un papier enroulé était attaché. En l'apercevant, elle se hâta d'ouvrir la fenêtre, laissant ainsi entrer l'oiseau. Elle prit la lettre et la lut. « Je remue terre et mer à la recherche de tes jonquilles jaunies. Par mes jumelles, je t'ai aperçue dans leurs lentilles de verre. Mon amour, enchaîné à ton phare. Depuis des semaines, mon corps languit ton parfum. Les flots et rochers m'en ont séparé. Je trouverai le moyen pour te sortir de ton cauchemar. Ô toi, aventureuse de liberté, portant en ton sein notre nouveau-né. » Tel fut le message que son amant, resté sur la rive, lui adressa. En larmes, elle s'écroule à genoux. Elle persuade ses sanglots de lui laisser la force d'écrire à son tour, la conscience troublée. La nuit du mois de juin, la marée s'abaissera. Je distrairai mon assaillant. Tu en profiteras pour venir nous chercher, moi et notre enfant. Elle noue sa lettre sur la patte du messager volant et celui-ci déploya ses ailes et s'envole, rejoindre son maître. Quelques jours avant la date décisive, l'écrivaine perd les os. Prise de contraction, elle hurle, se tordant de douleur. Alertée par les cris, le futur père accourt jusqu'à la chambre, les mains tenant une bassine remplie d'eau-de-vie. S'autoproclamant maœticien, il prend en charge toute l'opération de l'accouchement. À chaque contraction, elle pousse un cri horrifique. Cela dure depuis de longues minutes. Il lui ordonne de continuer à lutter jusqu'à ce qu'il aperçoive un petit bout de crâne sortir de l'entrejambe de sa belle. Encore un coup donné, et le minuscule corps sortit brusquement. L'assaillant s'empare du petit. En apercevant le visage du nourrisson, son expression faciale se ternit. Son visage enjoué et impatient s'assombrit. Ses yeux doux se durcissent. Sa bouche béante se referme sévèrement. Le nouveau-né ne lui ressemble en rien. Sa femme, époumonée, ne remarque pas la décomposition brutale de son mari. Elle s'apprête à s'endormir lorsque le bébé émet son premier son, qui se décrit comme un étranglement. Elle se redresse sur son lit et assiste à une scène infâme. Son mari étranglant son enfant. Rouge de colère, il avait compris que le nourrisson n'était pas de son sang, mais de celui de l'homme avec qui sa femme entretient une relation épistolaire. Spectateur, le goéland pousse un cri strident, déploie ses ailes et s'envole, laissant derrière lui deux âmes fragiles. Sur la table de chevet est disposé son carnet d'écriture. Elle en arrache une page, prend sa plume d'encre et se jette sur le ravisseur. Elle plante la plume dans l'avant-bras de l'homme, ce qui le fait desserrer sa poigne. La jonquille attrape son nouveau-né dans ses bras, se met à courir et se saisit de la bassine remplie d'eau-de-vie. Elle asperge violemment le contenu sur le potentiel meurtrier, ce qui le déstabilise. Elle sort de la chambre, non sans trébucher, et se dirige jusqu'au bord de l'océan. Sur cette feuille, elle s'entaille l'index, son sang s'écoule et se met à écrire de son doigt meurtri. Pierre. Puis elle dépose un baiser sur le front de son enfant, déchire le bas de sa robe parsemée de jonquilles, enveloppe son enfant dans le tissu fleuri et le place délicatement dans la bassine. Elle ne put se décider à le laisser flotter, seul, dans le courant de l'océan. Des bruits de pas lourds et menaçants s'échappèrent du phare. Remis de son agression, son effrayant mari se jette aux trousses de l'enfant, déterminé à noyer la preuve de l'infidélité. Dorénavant, elle s'est résignée à ne pas laisser son enfant mourir. Elle pousse la bassine délicatement afin qu'elle ne se renverse pas. Elle entrelace ses doigts et prie à tue-tête que les flots charrient son enfant jusqu'à la rive de son village en toute sûreté. Sa blessure à l'avant-bras le brûle. Cela n'empêche pas l'assaillant de se munir de sa canne à pêche. S'il ne pouvait pas le noyer même armé de son outil, il pouvait au moins le défigurer ou lui crever un œil. Alertée par les intentions malveillantes de l'être odieux, la mère s'interpose, lutte de toutes ses forces pour le déstabiliser jusqu'à l'avancée de la bassine. Elle donne de violents coups sur la blessure. Dans cette lutte acharnée, son pied glisse sur une roche. Son mari voulut la rattraper, mais tombe avec elle dans les eaux. Tous deux furent aspirés par un trou d'eau. Le fameux jeudi soir, lors de la marée basse, deux corps bleutés et gonflés par les eaux furent retrouvés près du phare. Un jeune homme tenant un tissu, un papier et un nouveau-né dans les bras se tient devant les cadavres, les larmes ruisselantes sur ses joues. L'âme de sa bien-aimée s'en est allée, laissant derrière elle sa liberté. Voici la légende de notre village et de ce carnet de bord, dépeint le vieux gardien d'Antiquité avec une voix remplie de mélancolie. La fillette, bien qu'imprégnée par l'histoire, semble avoir un détail qui la titille. Qu'est-il advenu de l'enfant ? S'interroge-t-elle. Le silence fait acte de réponse, puis il se décide à le briser. Ce carnet est le journal de l'amant de la femme à la jonquille. Il a pu le constituer grâce aux lettres épistolaires qu'elle lui a écrites et envoyées à l'aide du goéland tout au long de sa captivité, dit-il avec sûreté, puis enchérit. Lorsqu'il sentit que ses jours touchaient eux aussi à leur fin, il parfuma le papier contenant le nom de leur enfant d'un arôme de jonquille et enfuit ce papier dans une bouteille qu'il laissa à la mer depuis le phare. Le vieil homme marqua son récit par une minute de silence, puis reprend la voix sage. Lorsque mon père est mort, il avait affiché sur son visage un sourire apaisé, tenant dans sa main le bout de la nuisette dans laquelle ma mère m'a déposée.